Bonjour, en direct de la prise d'otage du rap français, les faits ont été revendiqués par Homicide et 4 Barrages. Je vais dès à présent interroger les malfaiteurs pour connaître la cause de cette prise d'otage. J'ai vu un clip de la clica quand j'étais petit, ça m'a retourné le cerveau. J'ai pris ma claque à 10 piges, j'ai pris le stylo, pris le micro, pris du niveau depuis le préau. Aujourd'hui, 20 piges, passez ma gueule, j'monte au créneau. J'ai grandi avec du ACDC, du Michael, du rap français, de Clarkel. J'avais jamais assez de CD, c'était ma passion, le shit et la gueule. Plus tard, non, remplacé dans ma tête. Et attention, c'est pas pour autant que j'ai lâché. Certains se sont noyés dans les soucis, j'ai réussi à nager. Dieu merci, toi y'en a personne, à part à mon père, à part apparemment j'apparais, représente ma ville en personne. Dijon, ici c'est moi qui gère, et faut que tu le digères. Ouais c'est ça qui gêne, aujourd'hui j'arrive avec indigène. Ici y'a tant de jeunes qu'on voudrait faire croquer. C'est 21 code bleu, on a pas fini de vous escroquer. Vos cartes d'identité, nos prénoms, les civilités. Quoi dire, quoi balancer sur ton blaze ou ton passé tous. Pour la plupart traînés deviennent des bracasses. Et morale d'acier c'est la survie donc obligé de brasser, devenir un boss. Là c'est ça, on est souvent dépassé. Beaucoup trop d'impasse, ils finissent en interne en classe. Et focalisé sur les stéréotypes télévisés, sur les bavures, les clichés, les censures, il est casé. J'ai ravé le fond de la classe, mais j'ai accroché mon bac. J'aurais pu raser la marche et encore manger des claques. J'ai la tiraille adéquate, la dégaine d'un cabaret. Imagine ma gueule à la place de Roselmack. Pas par la trappe pour vivre de procédure. L'usure nous prend en chasse, on se méfie des coups durs. Du coup, des doutes s'installent, mais on reste là. On garde un esprit là. Indigène apporte la goutte qui pète le vase. Retour maintenant vers le groupe Indigène. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Ok, je démarre, featuring Casparage. Dédicace mon majeur à ceux qui te racontent des bobards. Tous ces rappeurs, soi-disant la plus hardcore, qui s'inventent une personne, genre un humain sans cœur. Ils font les bonhommes, mais ça c'est devant la daronne. Au mal qu'ils te disent, je suis le jumeau d'Al Capone. Je dirais plutôt, t'es le jumeau d'une capote. Des textes au pas potable, à jeter dans tes shots. Chute, ferme-la, t'as rien à dire, ferme ta gueule. Le rap c'est pas un jeu, on n'accepte pas les fashions. C'est un moyen. Revendication, on a que ça dont on prend pour trouver les solutions. Pour nos mères, nos darons, pour la pauvreté dans le monde. Pour ceux qui ont appris à s'exprimer qu'avec agression. Pour notre ville, Dijon, pour cette discrimination. Pour tous nos frères enfermés en prison. Détecte les intrus dans ce putain de rap français. Pas éduqué par la rue mais par la mère et son enseigne. Je vois peu de frères le faire à la bien, car je vois trop de frères le faire à la bière. Ça parle de rue, d'argent et de braquage, mais dans la rue je vois que des agents et des otages. Tu me feras pas croire que les bandits se sont mis au rap. Gros voyou et MC, c'est pas la même force de phrase. Mais lâche-nous la grappe, des mythos te rattrapent. Y'a plus rien qui te va, mais même plus t'es stable. MC se la pète, nous faut croire qu'ils tiennent tête. Rien à foutre de leur top, rien à foutre de la variété. École, faut que tu leur dises, un deck. Votre rap est pour l'école, le nôtre pour son art et mes techs. Nouveau style tectonique, remballe ta coupe et tes. T'as le style ironique, nique ton rap de discothèque. On casse la baraque, on laisse plus rien d'intact. Homicide, ça reste baraque, faut qu'on laisse des impacts. Détecte les intrus dans ce putain de rap français. Après MC sur l'instru, frérot, faut que tu te renseignes. On casse la baraque, on laisse plus rien d'intact. Homicide, ça reste baraque, faut qu'on laisse des impacts. Détecte les intrus dans ce putain de rap français. Après MC sur l'instru, frérot, faut que tu te renseignes. Le message est bien passé. C'était Mahmoud en direct de Jérém TV. À vous les studios.